Toi, peste de babouin, on va s'occuper de ton matricule. On a Sandy? Oh, elle est là. Sandy? Allô? Allô? Ouais, salut, hein, GG. Hein. Salut, bébé. Ouais. Ouais, bah le mec qui fait ça, il arrête, hein. Parce que moi, j'en ai commencé à avoir ras-le-bol et ça va pas être GG que vous allez avoir dessus, là. Ça va être de gros bulldog poilu ou ça va chier des bulles, hein. Non, mais vas-y, dis ce que t'as à dire, vas-y, c'est à toi de parler, hein. Ouais, bah qui se calme, hein, parce que moi, je commence à en avoir marre. On reçoit des tas de merde devant la porte, on nous bouge la serrure avec des mégots, y en a marre, hein. D'abord, je suis pas une grosse treu, hein, je me mets pas des bouteilles dans le cul, hein, c'est pas vrai. Bon, alors déjà, Manu... Manu... Non, parce que là, je me mets des... Non, attends, t'as pas arrêté, stop. C'était pas la vraie, arrête. Manu, c'est pas son dit. Ouais, non, pas, non, mais faut arrêter, allez, là. Allez, monsieur hein. Micro. J'ai appelé. Le micro. Allez, allô. Je tout de suite. Allez là. Voilà, pour entendre ce qui se passait, le micro. C'était pas la vraie Sandy. Ah non, c'était pas la vraie Sandy. Ah. Manu. Je me suis gouré de touche. Allons. Ouais, tu t'es gouré, c'est pas sur con. Voilà, voilà. Le micro, ah, Gérard aussi. Pour ça, rallumer le micro s'il a pas le réflexe dans l'équipe. Merci. Alors, Gérard. Bon, Sandy. Oui. Bon, à ton avis, qu'est-ce que t'en penses de cette histoire? Bah, déjà, c'est qui a écrit la lettre? C'est Fils de Babouin? Ouais, c'est encore lui. Ouais, bah alors, Fils de Babouin, si t'écoutes bien, hein, tu vas écouter les conseils de Sandy. Si jamais tu... Ah, c'est le dimanche, hein, Sandy, tu vois? Non, d'accord. Allô? Oui, je crois que c'était dimanche, les conseils. Non, enfin, c'est un conseil que je lui donne. Ah, d'accord, personnel. Voilà, qu'il arrête ses conneries, parce que sinon, c'est Sandy qui va s'occuper de lui. Hein, moi je rigole pas, je suis pas GG, je suis pas Max, je suis pas n'importe qui, et si jamais je le rencontre parce en face de moi, Randy, je vous jure devant tout le monde qui écoute que je lui fais la peau.